Vous êtes assez fou pour l'écouter. 'Aujourd'hui, Simon Fitzbé remplit nos oreilles de feedback dans sa chronique phénomène. Et on reçoit François Landry pour sa chronique politique. Assemblage requis, ça commence maintenant! Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 8 septembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé, François-Olivier? Est-ce que t'as déjà vécu ça, toi, de mettre ton alarme à genre 5h15? Mettons, je donne une heure comme ça au hasard. Ouais. Un peu, là. Et puis, finalement, de ne jamais te rendre compte que ton cadran a sonné. Et ta copine de te réveiller à 6h15 pour à te dire... À coude dans les côtes. À peu près ça. Hey, chose, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas plaisant, ça. Non, c'est pas plaisant. Se faire réveiller, en général, là, c'est loin d'être une chose très, très plaisante. Mais comment est-ce que ton cerveau fait pour pas se rendre compte que t'as éteint l'alarme? Pas t'es où? Ouais. Je sais pas. C'est t'as ça. Éteint l'alarme? Ben, sûrement. Attends, ok, tu t'es réveillé et t'as éteint l'alarme sans t'en rappeler. Sans m'en rappeler du tout, parce que je sais très bien, j'ai regardé l'icône, il était là, mon cadran était programmé à la bonne heure, oh. AM était bien sélectionné, tout était là. Donc, il a sûrement sonné, au lieu de faire snooze, j'ai fait off. Et voilà. Ça finit, ça, dans ce temps-là, quand tu fais off. Hein? Moi. Ouais, c'est peut-être l'habitude d'éteindre l'alarme quand ma blonde se réveille le matin avant quand moi. Quand madame dort. Madame, c'est ça. Et voilà. En tout cas, donc voilà, j'espère que si ça vous est arrivé aujourd'hui à vous à la maison, mais vous en êtes sortis comme moi, récupérés, rendus au studio. Émission merveilleuse qu'on a aujourd'hui. Faut pas manquer ça. Oui, même pas en retard en plus. Même pas en retard, du tout. T'as pas eu à venir cogner dans ma fenêtre de chambre pour dire... Non, je sais même pas c'est quelle fenêtre. Peut-être tu te barres à gauche. Hein? Ok. Ou jusqu'à la porte patio? C'est ça, à gauche de ça. Ok. Ouais. Tu seras pour la prochaine J'aurais fois. Connu la porte patio, en fait. J'aurais peut-être pas entendu. Ça va très bien. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on a François Landry qui va énumérer ce que nous réserve l'automne politique dans sa chronique Le Gaucrassie 101. Oui, et ça brasse beaucoup en politique ces temps-ci. J'imagine. Madame Normando, en fait, qui a donné sa démission. Ah, je sais pas s'il va en parler un peu, mais bon. Peut-être. Son nom de chronique aujourd'hui, son titre, c'est « Un automne tranquille ». Oh, tranquille. Tranquille. Donc, je ne sais pas si ce que tu dis est vrai. On verra. Phénomène avec Simon Fitzbé est en fin de retour. Lui aussi, avec une chronique sur le retour de son ou le feedback. Feedback. On aime ça parce que Simon va élargir les sujets de sa chronique Phénomène. Pas seulement des artistes et des groupes qui ont influencé la musique rock, mais d'autres sujets qui ont rapport avec la musique. Donc, moi, ça va me divertir plus. Oui. Encore plus. Oui, ça va être très intéressant. Le feedback, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Oui, il va nous faire entendre des chansons qui ont du feedback dedans. Ça pourrait être bien. Ça va être très bien. Il disait même qu'il y avait des albums de feedback. Complètement de feedback. Genre un groupe qui a choisi comme thème de faire des chansons qui avaient du feedback dedans. Hein? Je sais pas. Non, où en fait, on peut retrouver du feedback tout au long de l'album, je pense. OK. J'aime ça. Ça ressemble plus à ça. Donc, la chronique de Simon, c'est varié 8h. Celle de François, varié 8h30. D'ici là, le jeudi, cette session aussi, François, à la place de faire « C'est un fait » le jeudi, c'est un fait, ça va être lundi, mardi, mercredi. OK. Et puis, jeudi, je vais faire la chronique que tu adores, si tu l'as entendu cet été. Ça existe, mais ça devrait répondre là. Oui. C'est oui, là où on règle vos problèmes. Hein? On règle des problèmes. On prend un problème dans la vie que personne a du tout. Que personne a. Et on le règle. Donc, c'est vraiment magique. C'est fantastique. T'sais. Fantastique. Il va y avoir, entre autres, comment regarder sa télé 3D sur sa tête. Avec, un peu comme hier avec la casquette pour regarder son iPod Touch de proche. Des choses comme ça. On va aussi avoir un Monopoly Star Trek. Et des poliers de vélo chauffants. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a dans la première heure de l'émission. Des poignées de vélo chauffants. Chauffants. Très utile. C'est du luxe. C'est du luxe. Et on sait que le vélo est très utilisé, surtout l'hiver. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont peut-être plus frileux que nous autres encore. Ouais, ben je pense que c'est ça. Voilà, donc pour le plan de l'émission d'aujourd'hui, autre chose? Pas mal ça. Ça ressemble à ça? Pas mal ça. Ça ressemble à ça, ça va être bon. Ça va être excellent. Ça va être excellent. Je te suggère qu'on commence en musique et je te suggère de choisir ce que tu as envie d'entendre pour commencer l'émission. Ah ouais, live dans moi, là. Comme ça, en direct, c'est comme ça qu'on fait ça ici, sans gêne et sans préparation. Bon, de parle-moi de ça. Ça va être beau, très bien. Si, on y allait. Je suis comme embêté. Ah oui, t'es embêté. Arrête-moi ça, François. Il y a tellement de bonnes affaires dans la discothèque. Non, mais c'est ça. L'idée, c'est de choisir une pièce. Mais nous, c'est ça le problème de C'est Fou, c'est qu'on a de la difficulté à choisir parce qu'il y a tellement de choix. Alors que dans d'autres radios, eux, leur rack à CD, tu sais, il y a comme 70 maximum là-dedans pour la journée au complet et la semaine et le mois, tu sais. Fait qu'ils vont faire, ah, ben, crime, je vais faire jouer ça, tu sais. Hein? Donc, on va l'entendre une pièce des Yeah Yeah Yeahs. Ouais, Honey Bear. Honey Bear. Ouais. Honey Bear. Cool, on va l'entendre Honey Bear. C'est la cinquième pièce. Ben oui, j'ai vu ça. Je faisais des signes, mais on dirait que j'étais pas certain si ma joue. Ben non, c'est ça. Donc, Yeah Yeahs au 89 FM, c'est Assemblage de qui? Reste avec nous jusqu'à 9h. Monogrenade et la pièce La Marge. Assemblage Rocky au 89 FM, c'est fou. Toujours avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Tantôt dans la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. Je regardais les vidéos là, du nouveau jeu de Monopoly, Klingon. Là. Klingon? Klingon. C'est quoi, Klingon? C'est Star Trek. Je regarde ça. Et, Star Trek, en fait, là, ouais. Juste pour m'éclairer un peu, est-ce que ça fonctionne encore bien? Ben, en tout cas, avec le film qu'il y a eu, j'imagine qu'il y a peut-être une renaissance des séries. Es-tu un fan de DVD. Star Trek? Non, j'ai jamais vu aucun épisode. Non, du tout, non absolument pas. D'aucune série, il y en a eu plusieurs. Non, Star Wars? Non, absolument pas. Non, ça te dit rien? Non, c'est ça, tu sais, je me dis geek dans la vie et c'est tout à fait vrai. Je crois que je m'assume là-dedans, mais non, il y a des affaires comme ça. Non. Non, Le Seigneur des Anneaux non plus, rien de ça. Mais Titanic, oui. Non. Non. Non. Mais moi, je te dis, le cinéma, les films en général, je suis pas un très grand amateur de films. Je trouve ça très long. Okay. Ça garde pas mon attention du tout parce que c'est une seule et même histoire pendant comme 2 heures. C'est beaucoup trop pour moi. Mais il y a des films que je vais aimer, tu sais, comme bon Scott Pilgrim, on sait, je l'ai vu, je l'ai adoré. Mais il faut vraiment que la bande annonce m'accroche énormément pour que je sois excité pour voir un film. OK, parce que tu vas quand même en voir souvent à Montréal. Ouais, c'est ça, ça arrive, mais tu sais, les affaires que ma blonde me tire pour y aller, c'est mettons les Harry Potter, mais tu sais, je suis tombé là-dedans puis j'ai vraiment aimé ça. Je suis pas fermé à l'idée d'en aimer. Bon, les Rois Lion, récemment, on voulait aller voir. Le musical à Montréal, on a raté notre chance. Le musical, c'est quoi? C'est l'histoire du Roi Lion, c'est ça, un petit peu en comédie musicale. Ouais. Ça avait l'air vraiment bon, là, c'était à Montréal cet été. Et puis, on est arrivé pour acheter des billets, il n'y avait plus de plage. Oh. On aurait pu y aller, mais séparément. Chacun leur s'arranger. Un peu plate. Un petit peu plate. Mais bon, c'est pas grave, on se reparlera peut-être un jour à New York ou quelque chose du genre à Broadway. Non, mais là, je vois pas. Un petit voyage, on va voir le Roi Lion, c'est plaisant, non? Ben non, c'est vrai. T'es pas un fan du Roi Lion? Ben je l'ai vu, je les ai pas tous vus parce que. Il y en a 3. Il y en a 3, ok, non, je pense que j'en ai un, peut-être 2. C'est très bon en fait. Ouais. Je sais pas, ça a comme jamais à donner que. De tous les voir là. Ouais. On m'avait fait. Mais c'est un peu mal parce que Hakuna Matata, je trouve ça cool. Oui, ben mais c'est cool quand même. Non, il y avait quelqu'un qui avait commencé à me faire une liste de 100 films que je devrais voir dans ma vie. Je pense que jamais à travers ça dans ma vie. Ouais. Je suis quand même capable de regarder 100 films en tout dans ma vie, j'ai l'impression. Ah oui, c'est sûr que oui. Tu penses? Mais oui. Peut-être, on verra. Donc voilà, pour tout ça, la chronique, ça existe, mais ça devrait pas s'en venir dans quelques minutes parce qu'il faut finir ça avant 8h quand même pour nos chroniqueurs. Ben oui, certain. Hey Mathieu, juste avant ça, en fait, je vais te parler un peu de la programmation d'Envol le Macadam. Ah, bonne idée. Le festival, en fait, qui va se dérouler le jeudi 29 septembre, vendredi le 30 et samedi le 1er octobre prochain au niveau de Québec. Je sais que là-dedans, il y a Jean-Leloup and the Last Assassins. Ouais, comme. Ça serait comme dans la pub, hein? Ouais, ça y ressemblait. Merci. Manquait un peu d'effet, mais bon. Ouais, un peu. Ça rend ma voix tellement plus amusante. OK, quand je vais te dire de nommer... Faut que je les nomme, okay. Avec les fêtes dedans. Okay. Ouais, parfait. En tout cas, le 29 septembre, on commence ça. En fait, là, il y a plusieurs bands. Je les nommerai pas tous. Non, c'est les gros, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on commence. Radio-Radio à minuit. Radio-Radio. Oh, oh. C'était un peu trop fermé. Ouais, Radio-Radio. Ouais. C'est bon. J'essaie. Après ça, au niveau du cercle, il y a The Dead Set. The Dead Set. Yeah! Ça sonne bien, ça sonne bien. Ouais. Et puis après ça, on se dirige le vendredi. Jeudi, c'est quand même un cam, à part, en fait, à l'exception de Radio-Radio, qui d'ailleurs seront ici le 15 septembre prochain. Oui, pour le spectacle de la rentrée de la GEQTR. Exactement, exactement. Donc, on se dirige au vendredi. Oh, on va être en Dolby Surround. J'essaie de faire du stéréo en mettant 2 micros dans ma bouche. Autour de ma bouche, pas dedans. Dans ta bouche. Mais tu as une très très grande bouche. Hein? Gorge profonde qu'on m'appelle. Donc, vendredi 30 septembre, toujours pour le festival Envol et Macadam, il va y avoir Jean-Leloup. Jean-Leloup and the Last Assassins. Ouais, exactement. Il y a Ben of Scars juste avant, à 20h20. Ça peut être très bon aussi. Il y a Men Without Hats. Oui, tu connais? We can dance if we want to. C'est quand même drôle qu'il soit là. Ben oui, c'est très drôle. Ça me rappelle le festival qui amène Casey and the Sunshine Band. Ouais, ici, ouais, chansons de One It Wonder, de peu importe. Là. La machine à danser. La machine à danser. La compagnie créole, ça. Oui. C'est formidable, ça, en tout cas. C'est adorable. Bref, toujours le vendredi, le 30 septembre, il va y avoir Rise Against, Flogging Molly et The Black Pacific. Et ça, par exemple, si c'est un billet à part, ça se déroule dans le cadre du festival Envoi le Macadam, mais ça va se dérouler à l'Agora, au port de Québec. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu pour le vendredi. Et le samedi 1er octobre, il y a en fait des gros noms. Là, on parle de Protest Zero, Blood for Blood, I Am, The Exploited aussi, qui avait eu un émeute à Montréal, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'ils n'avaient pas pu passer la frontière. Ah non, tu vois, je savais pas ça. Ça fait un petit bout là, ça doit faire peut-être 3-4 ans. Le même jour, en fait, on parle de Azalea Dying. Azalea Dying. Et puis, j'adore ça. Oui. Et puis, c'est ça, ça ressemble à ça. Programmation un peu décevante pour ma part comparativement à l'année dernière. L'année dernière, on parlait, en fait, là, il y avait Millen Collin, il y avait Hatebreed. Désolé, il y avait Cake, il y avait Against Me, Mastodon, il y avait Malajube. Ça ressemblait à ça, là. C'était un petit peu plus de notre genre de musique à nous deux. Ouais, je trouvais. Mais bon, quand même. Ouais. C'est un très bon festival et c'est hyper beau en fait. Ça se déroule en dessous de l'autoroute, en dessous des viaducs. C'est super, super beau. S'il mouille, en fait, on n'a pas de pluie sur nous autres à cause des viaducs. C'est formidable. Super. Ça vaut la peine. On va les macadam, 15e anniversaire. Ouais. 15 ans de musique. 15 ans déjà. Ben oui. Ça va vite, hein? Ça passe vite. On va aller à macadam.com pour en savoir plus. Et il y a un lien aussi sur la page de C'est fou, hein, parce qu'on est partenaire là-dedans. Yes, sir. Oui. On va avoir des billets, d'ailleurs, à faire tirer. Oui. Dans l'émission? Dans l'émission. Oh, Colin. Un primeur à matin. Ding. Mais pas là, là. Appelez pas. Non, pas là. Merci, François. Pas là, mais écoute, on peut faire tirer des billets là. On peut faire tirer des billets là? Là. Es-tu sérieux? Ouais. On peut faire ça. Juste parce que tu me regardes comme ça. Oh, ben. Au 819-376-5183, par téléphone, 819-376-5183, on va prendre le quatrième appel pour les billets pour envoler Macadam. Oui, on parle bien toute la fin de semaine. On s'en va entendre Waving Hand, voici Bonne Nuit, mon cœur. 819-376-5183. Qui est travail d'équipe. Azalea Dying. Turn it to the last assassin. Shut up. Okay. As you say, as you say, bonne nuit mon cœur.

Better Pray avec la formation de Red Jumpsuit Apparatus. Vous êtes toujours à l'assemblage Rocus. Rocus. Hey, Brutus. Hey, hey, oh, c'est Popeye, ça? Hein? Popeye? Brutus? Brutus? Non. Non. C'est Ali? Non, Brutus. Comment ça s'appelle, là, Popeye? Je sais pas. Ah, d'accord. Vous savez, du lundi au mercredi, on fait la chronique, c'est un fait. Le jeudi, son, sa petite cousine, si on veut. Sa petite cousine, c'est, ça existe, mais ça devrait pas. Oh. On l'a. Ça existe, mais ça devrait pas. Là, c'est la chronique où on règle des problèmes que tout le monde, sûrement, a eu un jour ou l'autre dans sa vie. Des problèmes là, très, très, très communs, là, on pourrait dire. T'sais. J'imagine. Donc, commençons par le problème que t'as envie d'avoir une télé 3D, OK? Ouais. Mais t'as pas de place chez toi, OK? Et, je pensais que t'as dit t'as pas d'argent. T'as peut-être pas tant d'argent que ça, peut-être un petit peu moins d'argent. Donc, Sony va mettre sur le marché un casque vidéo 3D capable de présenter l'équivalent d'une image de 150 pouces de diagonale projetée à 4 mètres de distance en résolution HD 720p. On appelle ça le HMZ-T1. Hein? Sony, c'est toujours les noms très, très catchy. Donc, contrairement à plusieurs autres téléviseurs 3D, le HMZ-T1 produira vraiment deux flux d'images complets qui vont être affichés sur des écrans séparés, un pour chaque œil, ce qui va éviter de devoir utiliser le subterfuge qu'on appelle d'obturateur intégré. Là. C'est comme un genre de fermeture et d'ouverture rapide de ces trucs-là dans chaque œil pour faire la 3D d'habitude. Okay. Ce sera pas ça. Ça va éliminer une source de maux de tête. Nous dit-on. Okay. Le HMZ-T1 ne règle pas tous les problèmes inhérents à la télé 3D et porter un appareil de 400 grammes dont l'essentiel du poids repose sur l'avant et de la tête n'est pas forcément confortable pour tout le monde, à ce que l'on dit, mais ça coûte 800$, donc beaucoup moins cher qu'une télé 3D pour ceux qui ont envie de se procurer ça, de vivre l'expérience de la 3D tout seul, assis dans son tout seul, salon. C'est ça qui est... C'est pas malade, hein? Non, c'est pas malade. Mais bon, écoute, que voulez-vous? Ça peut régler un problème. Peut-être. Ça va être disponible au Japon en novembre. La date de mise en marché au Canada est inconnue pour l'instant. Prochain problème, t'as pas de scanner à la maison, de numériseur d'image, un scanner, là. T'as ouais, pas ça? Non, j'ai pas ça. T'as pas ça du tout? T'as pas de place, encore une fois, t'as pas de place, OK? Et t'as pas envie d'avoir plus de gadgets que juste ta souris sur ton bureau. Donc, pourquoi ne pas avoir une souris avec un numériseur intégré? Ah ouais? Ah oui! Un numériseur, c'est dur de dire autre chose que scanner quand t'es habitué à dire scanner. Donc, ça prend trop d'espace, c'est ce qu'on dit. La souris Smart Scan LSM 100 de LG est dotée de son propre attirail de numérisation, ce qui fait qu'on peut rapidement numériser un document rien qu'en promenant la souris sur lui, ce qui est parfait pour capturer quelques paragraphes. Ça, c'est cool, moi. Ben oui, tout à fait. Le logiciel détecte même un logiciel de reconnaissance optique de caractère. Donc, vous allez pouvoir envoyer ça en document Word après. Ou sur un logiciel dans le nuage comme Evernote. Si vous avez besoin de numériser fréquemment des pages complètes, on dit que c'est pas la solution idéale, mais pour capturer au vol peut-être une photo ou un paragraphe, ça peut être. Maintenant, t'as chaud, François, t'as chaud? J'ai chaud, j'ai froid. T'as juste chaud. Okay. Tout le temps. Et tu ne portes que des chemises, tout le temps. Okay. Tout le temps que des chemises. C'est vrai. Tout le temps. Donc, on vous propose une chemise de travail qui, sous les apparences, tout ce qui est de plus classique et conservatrice, cache un secret. Une paire de ventilateurs à piles insérés à des endroits stratégiques, sûrement en dessous des bras, là, pour garder le porteur au frais et au sec en tout temps. Mon Dieu. Oui, une idée pour ceux qui travaillent peut-être au bureau, qui n'ont pas de climatisation. Ça existe. On dit que plus il fait chaud, plus la productivité baisse. Hein? Mais ça coûte environ 185$ par chemise. Eh! Donc, ce serait peut-être moins cher, une petite fan chez Dollarama. Puis j'imagine, faut pas que tu oublies d'enlever ça pour le laver. Et Colin, c'est vrai, hein? Ça doit faire un beau vacarme quand ça passe dans la laveuse et c'est pas très, très beau à voir. Ouais. Prochain problème, tu t'ennuies de Pac-Man. Ça, c'est clair, tu sais? Et t'as aucune console de jeux vidéo, t'as pas d'Xbox avec le nouveau Pac-Man Championship Edition, la DX, whatever. T'as pas de DS, t'as pas de PSP du tout. Non. T'as juste un plancher. Okay. Donc, tu t'achètes Pac-Man et un des fantômes de Pac-Man en petit genre de figure, en petite figurine crinquable pour qu'il puisse se courir après. Non? C'est-tu pas formidable? C'est génial, ça coûte 10$ pour les deux, le Wind-Up Pac-Man and Ghost. Crinque. Puis ils vont tous pas dans la même direction. Tu sais, les affaires à crinquer, ça va jamais dans le bon sens. Non. C'est n'importe quoi. Bon. Prochain problème, t'as un iPhone, OK, mais t'as l'impression que t'as pas l'air assez épais avec ça sur ton oreille, tu sais. T'as pas l'air assez épais, t'as besoin de mettre une grosse oreille. Tu mets ton iPhone dans cette grosse oreille de plastique-là, et puis ça te fait une oreille gigantesque. T'sais. T'as l'air d'avoir un... Super, non? Yeah. C'est génial. Ça coûte 13$ environ, ça va être disponible à partir du mois prochain. difficile à prendre entre la décision, entre la grosse oreille et la main pour bébé qu'on avait parlé il y a quelques semaines dans la chronique. C'est une main de bébé, comme ça tu pouvais tenir ta main de bébé sur l'oreille. C'est génial. C'est génial. Génial. On parlait plus tôt dans l'émission, quand j'ai annoncé la chronique, de Star Trek Monopoly Limited Klingon Edition, l'édition Star Trek, évidemment, de Monopoly, parce qu'on manquait d'édition spéciale de Monopoly. C'était quelque chose de pas très commun. Donc, il va y en avoir seulement 1701 de ces Monopoly Klingons-là. On sait pas encore toutes les pièces qu'il va y avoir dedans, mais évidemment, là, je vais vous mentionner ça en anglais parce que je les connais pas, là, mais il y a la Chancellor's Cane dans Star Trek VI, The Undiscovered Country. Voilà. Je sais pas. Bref, plein d'affaires, des petites pièces de Star Trek. Faut aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com de comment ils ont commencé à monter les morceaux de ce beau petit jeu de Star Trek. 1701 chances de l'avoir. Ensuite, tiens, encore une fois, un gadget d'iPhone. T'as besoin de tenir ton iPhone debout pour écouter un film, peut-être. Tu sais, ça peut arriver, ça, c'est un vrai problème quand même. Mais t'es plombier. Donc, tu as besoin d'une wrench, tu sais, d'une clé, là, mm-hmm. que tu insères sur ton iPhone, que tu visses. Et puis là, ça, c'est la patte de la wrench qui va servir pour accoter ton iPhone sur ta toilette, peut-être. Quand tu es plombier, tu sais. C'est dans le modèle. C'est le fun. Ça va dans le kit, c'est super le fun. J'aime bien gros ça. Ça vaut combien, ça? Est-ce que c'est écrit? On s'en fout. C'est beurré, sûrement. Probablement. Ensuite, tiens, t'habites en Asie et il y a de la radiation partout à cause des affaires dans les usines qu'il y a eu là, récemment. On sait toute l'histoire. C'est un détecteur de radiation pour iPhone. Tu branches ça, t'as une application. C'est le RDTX Pro qui s'attache à un iPhone ou un iPod Touch et qui devient, dans le fond, un détecteur de radiation. L'application est gratuite. Évidemment, il faut le petit gadget. Il faut acheter le petit gadget, mais l'application, une fois que tu as acheté le gadget, est gratuite. Design fait pour être le plus précis possible. Et on dit qu'on peut utiliser le petit gadget à part du iPhone. Tu peux le déconnecter du iPhone, l'utiliser par batterie. T'as 86 heures de pile. Alors que quand t'es dans le iPhone, branché dedans, là, c'est le iPhone qui va servir de batterie okay. pour ton appareil. Ça coûte 329$ et 10$ de ça va se rendre au Japanese Earthquake Relief Fund là, pour le tremblement de terre au Japon. D'accord. T'as un iPhone encore une fois et t'as besoin de faire de la 3D. T'as besoin d'avoir quelque chose de 3D sur ton iPhone. T'sais. Là, c'est la mode chez les téléphones cellulaires de toutes les compagnies d'avoir du 3D. Nintendo a sa 3DS. Mais, Sony fait ses TV. Mais j'ai comme l'impression que les gens ne trippent pas 3D. Il n'y a personne qui trippe 3D, mais les compagnies nous forcent. Hein, oui, mais. Non, mais tu sais, je veux dire, sérieusement, la compagnie de téléphone te donne un téléphone en 3D, t'as la météo en 3D. Who cares? Pour vrai, on s'en sac. Ouais, tu vois le nuage en 3D. Voyons, non. Et puis, ça fonctionne... Moyennement, ouais, c'est exactement devant c'est au ça. Bon angle. Ça fonctionne, mais c'est pas magique. Là. C'est pas révolutionnaire. Là. T'as pas l'impression que les nuages sont dans ta face. Tu t'entends tellement vite de ça, de j'imagine la 3D. Ça... Au soleil, ça doit être ça fonctionne pas. Ben, déjà qu'un téléphone, à la base, au soleil, est moyen. Ah, ça me fâche un peu. Ouais. Arrêtez de mettre du 3D, là. Baissez le prix à la place. Là. Exactement. Ah, quelle parole sage, François-Olivier. Ouais. Je t'engage. Merci. Changez votre iPhone dans l'appareil 3D. Non, faites pas d'ailleurs. Ça. Non, faites-le pas. Avec le iPhone Virtual Reality Viewer, ça coûte 49$ avec une application téléchargeable gratuitement qui combine l'accéléromètre de l'iPhone pour créer des environnements 3D qui vont bouger quand tu vas bouger le téléphone. Et là, ça fonctionne comme des jumelles. Donc, l'appareil. OK. L'appareil, les jumelles. Mmh. Bon. Oh. Donc, tu branches ça sur le côté de ton iPhone, tu mets ça sur tes yeux, tu bouges et là, le 3D bouge. Et t'as un espace dans le gadget pour aller avec ton doigt dans le iPhone si t'as jamais à toucher l'écran, tu sais. Parce que c'est un touchscreen. Dans les jumelles, tu mets ton doigt dedans, tu bouges, puis là, après ça, quand tu le sais, c'est génial, non? Ouais. Ça fonctionne sur le iPod Touch et sur le iPhone, comme je disais, 50$. Pour voir le 3D sur l'iPhone, ça me laisse froid pas mal. Ben, tu traînes toujours d'une note. Non, mais tu sais, t'es. Des jumelles. Ouais, des jumelles, t'es réductible. Mais ouais, ça n'a pas de sens. Aucun sens. OK, un autre gadget. T'as, pour régler un problème, OK? T'as ce problème-là, je suis sûr, t'as besoin de cacher une clé chez vous. Mettre en dessous du tapis, c'est pas original, tout le monde le sait. Il y a des fausses roches qui existent, tu le sais, tu caches ça, tu mets ça. Tout le monde voit que c'est une fausse roche, là. Je veux dire, elle est pas pareille comme les autres roches, tu sais, du tout. Elle est pareille comme chez le voisin. Elle est pareille comme chez le voisin parce que tout le monde l'achète à la même place. Bon. Donc, à la place, ici, ils te vendent la compagnie RockLock, OK? Te vend une roche, vire à l'envers, il y a une combinaison à écrire. 1, 2, 3. Là, tu ouvres la porte, puis là, tu as la clé. T'sais. Le voleur va trouver ta roche, il la trouvera pas. Il n'y a pas de. La combinaison. Il va appuyer sur un mur, elle va casser, puis il va prendre la clé, sûrement. Mais bon, quand même, c'est supposé être sécuritaire. De toute façon, quelqu'un qui veut rentrer chez vous, il se casse pas trop la tête. Là. Il n'est pas là à chercher la clé pendant des heures. C'est pas sa tête qui va casser, mettons. Non, t'sais. C'est ça. On s'entend tous là-dessus. Justement, peut-être qu'il pourrait servir de la roche pour casser la fenêtre. Ben oui, bonne. On vient de régler leurs problèmes à eux, c'est ça l'affaire. On règle les problèmes de tout le monde. Ça pèse entre 4 et 12 livres. OK, beaucoup de sortes de roches, donc plus de façons d'ouvrir une fenêtre. C'est disponible, ça va être disponible bientôt, parce que pour l'instant, il n'y a pas de prix. Voilà. Ça n'a pas de prix. Rock lock. Tiens, un autre problème, tu as besoin d'un stylet pour ton iPhone ou ton n'importe quel appareil qui a besoin d'un stylet, tu sais, mettons. Bon. Mais un stylet sur iPhone, ça fonctionne pas. Non, ben, il faut que tu achètes un stylet à capacitatif, parce que c'est pas la même technologie que sur un DS, par exemple. C'est quoi, capacitatif? Capacitatif. Avec de la chaleur, sur moi? Je connais pas tant que ça la technologie, mais c'est différent. En fait, je pense que l'iPod, iPad, ça fonctionne avec la chaleur. Ouais, ça se peut parce que si tu portes des gants, ça marchera pas. Ouais. Alors que, mettons, un DS ou un 3DS, je crois que ça fonctionnerait parce que c'est par pression. Ouais. Ouais. Et puis, si tu le colles, en fait, si tu le mets dans tes poches tout le temps, la vitre, en fait, le collé sur toi, tu le sors, il est chaud, donc ça répond moins bien aussi. Ah! Cool! Je savais pas ça. Très bonne affaire. Ça a été ton problème? Ben, un peu, mais non. T'as besoin d'un stylet parce qu'il faut que tu pointes quelque chose parce que t'es un pointeur, toi. T'es un impoli qui pointe les gens tout le temps. Mais t'aimes le Internet, t'es un geek. Qu'est-ce que j'aime? Ouais, t'as besoin d'une flèche. Hey, j'ai besoin d'une flèche, là. Une main, tu sais, la petite main quand tu pointes sur quelque chose sur Internet, là. Là, donne-moi là. C'est une petite main qui apparaît, là. Le petit doigt, là. Le petit doigt, mais en très gros, comme deux fois plus gros, à peu près, peut-être plus que ça. Ça tient dans ta main, c'est ton stylet, c'est la main ou la flèche. Parce que le contour est fait en genre de mousse capacitative. Le contour de ta flèche. Fait que tu prends ça, puis tu vas sur ton iPhone, puis là, ça cache tout l'écran, tu vois absolument rien. Ouais, c'est ça. Absolument fun. Allez voir, il y a une petite vidéo démo aussi. Pour être cute, c'est très, très cute. C'est disponible pour 13$ chaque, avec shipping gratuit. C'est super beau. Mais c'est ça. Ça cache l'écran. Ça reste à ce stade-là. C'est ça. OK, on se dépêche. Phone flasks. T'as besoin... Phone flasks, je t'explique. Tu veux avoir l'air d'avoir un iPhone, OK? Ouais, mais t'en as pas. T'en as pas, mais en plus, t'es un sous-long. T'as pas l'iPhone, t'es un sous-long. Des fois, les deux vont ensemble, des fois, ils vont pas ensemble, dépendant des préjugés que t'as là. Mais ici, c'est que tu peux prendre un faux iPhone qu'ils te vendent, tu remplis ça d'alcool parce que c'est vide à l'intérieur. Je vous conseille pas de faire ça avec un vrai iPhone en passant à mettre du liquide. Il y a un bouton barré-débarré. Puis le bouton, le petit trou de l'écouteur est ta place où mettre ta bouche pour boire glou glou glou glou glou glou. Puis là, tu le rebarres. C'est comme une flasque. C'est pour ça que ça s'appelle Phone Flasks. Puis ça ressemble vraiment à un iPhone? Ça ressemble à un iPhone. Je dirais pas que c'est exactement de la même épaisseur. Il y a peut-être un petit peu plus d'épaisseur pour mettre plus d'alcool parce que les sous-longs ont jamais besoin de. Tu sais, on a toujours besoin de plus d'espace. C'est ça? C'est encore sur un site de start-up. Je sais pas si tu connais le projet Kickstarter, le genre de site où les gens peuvent donner leur invention aux gens, montrer ce que ça aurait l'air, le projet, ramasser de l'argent des gens, et s'ils se rendent à un certain point, l'argent va leur être donné, tu sais, genre. Mettons, comme là, eux autres, ils doivent se rendre à 10 000 $ avec des dons de 20 $ chaque, ce qui serait une précommande pour plus tard acheter le produit. Dans le fond, l'argent que tu donnes, si on se rend à un total, ton argent va être donné au projet et puis en plus, si tu vas recevoir un exemplaire. C'est exactement ça. Mais et puis, si ça fonctionne pas, ben tu le payes pas. Je crois que c'est ça, tu le payes pas. C'est quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il avait ramassé en date de l'article 70 $. Il restait zéro temps. Donc, on s'entend que ça marche. C'était quoi le produit? Comment? C'était quoi le produit? Non, c'était pour la flasque. Ah, OK. Pour l'iPhone flasque. C'était pour ça. Tu parlais au passé. OK. Prochaine affaire, tu lis un livre sur ton appareil intelligent, un iPhone, mettons, et tu trouves que crime, c'est pas comme un film, ça. C'est un livre, mais c'est pas comme un film. Il n'y a pas de musique en arrière. Il n'y a pas d'effet sonore en arrière. Il n'y a rien en arrière. Bon, mais tu as besoin de BookTrack. BookTrack qui te permet d'ajouter de l'ambiance, des effets sonores et de la musique. Et là, le logiciel va te dire à quel rythme tu serais supposé lire. Tu peux l'ajuster, tu sais, au rythme que tu lis. Et donc, quand arrive un moment opportun, la musique va changer. Ça va devenir quelque chose du genre. Les critiques, les gens qui l'ont essayé, au début, comme tout le monde était très sceptique, comme pourquoi gâcher les livres comme ça, tu sais? Ouais. Hein, pourquoi? Les gens en littérature de l'UQTR ici sont sûrement en train de capoter en entendant ça. Ça fonctionne bien? Apparemment que ça fonctionne bien. Ça peut être plaisant, mais c'est justement, ça, faut que tu le règles. Et puis, j'imagine que quand tu commences à lire, idéalement, t'arrêtes pas. C'est ça, exactement, parce que sinon, la musique va changer. Là, ça te vole un punch, t'es pas rendu au moment où puis arrête ça, fais d'autres choses, arrête la musique, ça a plus de sens, repartir. Il faut que tu fasses de l'immersion totale dans ta lecture, un peu comme quand t'écoutes un film, tu baisses les lumières, tu déranges le téléphone, ce qui est écrit. Exact. Tu peux ajuster le volume des effets sonores et de la trame sonore pour vraiment juste mettre les sons très forts, la musique pas trop fort. C'est le BookTrack pour les... C'est une soundtrack pour les livres, finalement. On parle de poignées chauffantes pour les vélos, c'est super simple. C'est l'automne s'en vient, vous avez du vélo à faire et puis peut-être commence à faire un petit peu froid pour vos mains. Ouais, donc, puis vous pouvez pas mettre de gants. Ben non, ben les gants, c'est pour les losers, ça rien. Donc tu enlèves tes poignées, tu les rentres, tu les vis, et ça coûte $199 pour un kit. Donc le kit vient avec les batteries, le chargeur et les poignées. Tu peux les acheter séparément aussi, mais pourquoi tu ferais ça, t'sais? Il y a 6 différentes températures possibles. OK, mais tout ça, en fait, c'est y a pas de fil? Non, tout c'est tout ça. Tout est dans les poignées? Je crois, mais je pense que c'est tout à fait certain, parce que dans l'image, ça le montre pas, mais bon. Je pourrais pas te répondre. Mais j'aime l'idée quand même, un peu. C'est comme, c'est aussi luxueux que dans les voitures récentes qui ont les sièges chauffants, tu sais, qui viennent avec. C'est pas nécessaire du tout. Non. Mais c'est le fun. Oui. Tu sais, ça te chauffe les fesses. Non, oui. On aime tous se faire chauffer les fesses. De temps en temps. Tu vas en Asie, t'as peut-être un rhume, tu veux pas le donner aux autres parce que tu sais qu'en Asie, ils sont très très forts sur les masques pour mettre dans la figure. Puis là, mais t'as besoin de sourire, tu sais. T'as besoin de sourire dans ton métier, tu vas travailler, et crime, personne ne te voit à la face. C'est des masques transparents. Juste une petite bande blanche, masque transparent, ça empêche toute la salive ou les affaires de sortir de là. Très bonne idée, je trouve. Ouais. Ça a de l'allure, ça. Toi, t'en mettrais-tu? Non. Je pense pas l'utilité non plus. Non, c'est ça. Je sais pas, à date, il me semble que ça n'a pas été la folie furieuse au Québec de porter des masques, à part pendant la crise de... Ouais, il était rare, moi. Ouais, c'est rare. OK, problème vraiment important ici, t'es sourd, OK? T'es sourd, tu vas au cinéma, et là, tu peux pas entendre, tu sais, donc t'as pas le texte du film, tu sais. Il y a des cinémas aux États-Unis, dans certains endroits du monde, où tu peux avoir un petit écran transparent que tu mets devant ton siège. Toutes les personnes sourdes, dans le fond, auraient chacun leur petit écran. Il y a rien qui apparaît dessus. C'est qu'en avant, complètement caché, je sais pas trop quoi, il y a les sous-titres. Les sous-titres sont réfléchis par, je sais pas si c'est par miroir ou quoi, sur la vitre. Et là, tu peux voir, si t'es bien placé, la vitre afficher le sous-titre et le film. OK? Ça existe déjà. Mais là, ils ont inventé des lunettes. C'est Sony qui a inventé ça. Des lunettes que tu mets en face, un peu comme des lunettes 3D. Et les sous-titres apparaissent en fluo, en tout petit, par-dessus l'image. Ça va vraiment régler plein de problèmes. Ah. C'est génial. J'adore ça. Mais pour l'instant, les lunettes sont super grosses. C'est pas très joli. Mais bon, ça va venir. T'as de la misère à prendre ta règle, tu vas à l'école, ta règle est sur la table. T'as de la misère, là, t'es en train de glisser ta règle au bord de la table pour la pogner parce que t'es pas capable, t'as pas assez d'ongles pour prendre ta règle, tu sais. Ça t'arrive, ça? Ouais. Une règle, attends, tu sais, t'as pas. Non. Ben, ici, c'est une règle courbée. Une règle courbée en plastique, puis quand t'as besoin de faire une ligne, ben, tu pèses dessus, la courbe se défait, tu fais ta ligne, tu lâches, la courbe revient, tu peux prendre ta règle puis t'en aller avec parce que tu traînes ta règle partout parce que t'es un épais, tu sais. Ça pourrait arriver. Excuse-moi. Oh, ouais. J'étais un petit peu insultant, mais tu sais, sérieusement, une règle. Oh, ouais. Sérieusement. Non. Tu sais, vraiment. Glisse-la sur le bord de la table, sérieux. Ah ouais. Tu fais des œufs à la coque, des œufs à la coque. Mm-hmm. T'as besoin d'un coussin, puis mettre ton œuf dessus, pas que t'en batteur, quand il est cuit. T'as des petits coussins fluorescents. Une compagnie qui fait ça, qui vend $12 chaque. C'est un coussin. Tu mets ton coussin sur le comptoir, un petit coussin, tout petit coussin. Tu mets ton œuf dessus. Puis il tient. À la place de sortir une assiette, paye $12 pour un coussin fluo. Bravo à la compagnie qui a réussi à vendre ça. Non? C'est incroyable. C'est incroyable tous les produits qui sortent. C'est incroyable. J'en fais un dernier. Je vais avec le ventilateur. Un ventilateur intelligent, OK? Avec des petits cartons. Ça vient avec des petits cartons. Et là, tu peux diriger le carton. Il y a comme un genre de QR code, un peu comme les codes qu'on le voit sur les affiches des partis politiques et des différents événements. Donc, tu prends ta pancarte et le ventilateur va se rendre à ta pancarte tout le temps. Il va suivre. Il est intelligent. Oh, ouais. Tu sais, si tu veux, tu peux mettre plusieurs pancartes à plusieurs endroits. Quand tu le mets sur swivel, tu peux lui dire d'arrêter par là-bas. Ventile pas par le coin où j'ai passé le balai. Ventile par le coin où je suis assis en train de regarder la TV, tu sais, mettons. C'est cool. C'est, tu sais, pourquoi pas? C'est ça. C'est la chronique, ça existe, mais ça devrait répondre. Ça, c'est cool. Ouais. T'as fini ça sur une bonne note, Mathieu. Ben, merci. Le reste était mauvais. Non, mais c'est les produits. Les produits que je vois pas l'utilité, mais... C'est le but de la chose. Oh, oui, non, je sais. Mais, tu sais, faut quand même que tu dises qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Oui. Et, tu sais, qui travaillent, qui ont mis de l'argent, du temps, et puis... Ah, ben, surtout ceux qui partent les projets Kickstarter, là, c'est, il me semble... Tu demandes 10 000 $ pour ça, là. 10 000 $ pour une flasque. Tu sais, à 20 $ chaque, là, ça fait, plusieurs milliers de personnes, là. Mettons, plusieurs. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, en général. Ouais. Ah! C'est ça. Que veux-tu? Cool, hein? Presque à la fin de la première heure de notre émission Assemblage Requis, on va entendre un petit peu de Mother Mother avec la pièce Aspiring Fires. Ça va? Ça va. On aime ça. to get put out if you don't get a little wild. Try again, get it right. You don't got the key to let you stay in your mind. Peter à la pièce Oma, bon vieux classique des palmarès francophones de C'est fou, ça fait un petit bout. Ouais, ça. Ouais, parce que Réfractaire était la plus récente pièce sur le palmarès. C'est un très bon mix, Mathieu Plante, clin d'œil, clin d'œil. Merci beaucoup, avec Mother Mother, ça fitait tellement bien. La pièce de Mother Mother s'appelle Aspiring Fires. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve dans quelques minutes à peine avec Simon Fitzbay et sa chronique Phénomène. Merveilleux, il y a eu à 8h30, en fait, François Landry et sa chronique politique. Ouh! Qui nous parle d'un automne tranquille. Oui, à ce qui paraît, c'est tranquille. Contrairement à notre émission qui est remplie d'action et de suspense. Restez. Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au qtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Pour tous les amateurs de Satriani et de Pepperoni, à la pizzeria Rock'n'Roll, vous pouvez... pouvez déguster une bonne pizza sur place au 27 rue Fusée à Trois-Rivières ou tout simplement la faire livrer en composant le 819-909-4747. 819-909-4747. À la pizzeria Rock'n'Roll, vous ne resterez pas sur votre appétit. Saviez-vous que Télé-Cogeco vous offre à chaque jour les plus importantes nouvelles qui touchent les gens de notre région? L'émission Connectée sur la Mauricie est au cœur de l'actualité et vous livre des reportages pertinents concernant la vie municipale, culturelle, sportive, économique et bien sûr, scolaire. Connectée sur la Mauricie à tous les jours 17h15 sur Télé-Cogeco Câble 11. Pour les rediffusions, consultez tvcogeco.com. Qui sait, peut-être y verrez-vous des gens de l'UQTR à l'écran. Télé-Cogeco, des vraies nouvelles d'ici. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière. Pas la vie de croisière, car je te l'avais dit que je le ferais toute la semaine. Toute la semaine. Assemblage requis. Juste l'émission Assemblage requis. Ce jeudi 8 septembre 2011, moi c'est Mathieu Plante. Moi François Olivier. Hey, le gars qui reste dans ses modes et ses patterns pendant des décennies de temps. Simon Fédry, est-ce que ça t'arrivait quand tu changeais de nom d'émission toutes les semaines, toi? Ça arrive même entre les émissions de la même semaine. C'est incroyable. Genre quand tu fais un genre de blues, t'appelles ça album classique. Ouais, exactement. Et on s'appelle et on s'appelle des jeunes et on s'appelle une fois semaine. Ça arrête pas. C'est incroyable. Moi, toutes les émissions que t'as faites, là, t'en as fait combien? 15? J'ai fait leur concept. J'ai fait album classique, kraut rock, un genre de bleu. Également, il y avait la saveur du moment. Et on s'appelle et on déjeune et on s'appelle une fois semaine. Bon, ben, quand même. Ouais. Pas si pire long quand même. T'as le fait quasiment autant que moi. Ouais. Et là, il y en a une petite nouvelle avec un nom pas encore tout à fait précis là, qui se rajoute. Oui. Et on a défait ton Simon Fédidé, là. En fait, c'est toi qui l'as défait toi-même. Ouais, j'ai défait moi-même parce que c'était assez ardu. Ouais, c'était... ça faisait une grosse journée. Hein? Ouais, une grosse journée qui commençait à 8h, finissait à 11h. Ouais. Et qui recommençait après ça à 10h le lendemain. Ça commençait à être beaucoup. Ouais. Donc à la place, tu vas les faire à des jours et des heures différentes, varier un petit peu. Oh, que oui. Et que ça va être mieux pour toi. Oh, oui. Beaucoup oui. mieux. Est-ce que t'es prêt pour ta chronique ou on revient après une pièce? C'est quand vous voulez, messieurs. Ah ben, si t'es prêt, on y va tout de suite, mon cher Simon. C'est à ton tour. C'est la chronique qu'on appelle c'est Phénomène. Celle-là ici, attention, Phénomène Sci-Fi. Comme science-fiction, genre. Mm-hmm. Ça, je me demandais s'il fallait pas une formule magique pour te faire arriver, mais t'es déjà arrivé en studio. Hein? Faudrait que tu sois pas là avant ta chronique. Qu'on te fasse apparaître avec un effet spécial. Pouf! Comme Ouh. Sur la chaîne Sci-Fi qui ont du budget pour les effets spéciaux. C'est incroyable. Ah, y a le film avec les requins, puis les Sharktopus, puis c'est une pieuvre, mais c'est aussi un requin, puis qui attaque du monde. Tu sais, Sci-Fi, la chaîne américaine, ils font des films low budget, vraiment beaucoup, t'sais, okay. avec des animaux différents, puis là, c'est comme rempli de suspense et de thriller et de... C'est beau à voir. C'est toujours très C'est beau et c'est bon? Ah, c'est excellent. Le talent d'acteur là-dedans est super. C'est comme les films qu'on présente sur Z-Télé le samedi après-midi. Hein. Je crois que c'est exactement ces films-là. Je ouais, probablement, parce que c'est un peu comme le petit frère, un peu mongol de sci-fi. Ben, Z-Télé, c'est ça. C'est tout et rien en même temps. C'est supposé être un genre d'adaptation de chaîne technologique. Au début, c'était plus vraiment geek et technologique. Ouais, ça s'alignait vers ça. Et là, c'était devenu comme super science-fiction en même temps. C'est aussi gadget, c'est jeux vidéo, c'est on va se tremper les bras dans des affaires de vaches. Ouais. C'est quoi cette chaîne-là, sérieusement? Puis Z, il veut dire quoi, le Z de ces temps-ci? T'sais? Z, c'était comme... Le Z, en fait, et je m'inclus là-dedans dans une histoire que j'aime beaucoup. Aux États-Unis, il y avait Tech TV, la chaîne de technologie, qui avant s'appelait ZDTV, ZDTV, qui était pour ZD comme Ziff Davis, les magazines et le site ZDNet, etc. Donc ZTélé, au début, était supposé être une version francophone de Tech TV, ZDTV. Donc ZTV, ZTV, ZTélé. Ouais, effectivement. Genre, hein? Hein? C'est vrai, ça? Puis il y avait même une version adaptée de leurs émissions de Tech TV, mais il est traduit en français. Oui. À la place d'avoir un vrai animateur, c'était une personne en 3D. T'sais, aux États-Unis, l'émission était animée par un humain. Ça s'appelait Extended Play, l'émission de jeux vidéo. Au Québec, c'était animé par une personne 3D. Ah. Ça s'appelait l'arcade. Hein? Arcade. Ah oui, oui, ben oui, oui, je me rappelle ça. Mais c'était le même graphisme, la même émission, tout, le même texte. Tout. Mmh. Et ouais. Fait que c'était la chronique Phénomène. Merci Simon. Merci à bon, donc aujourd'hui... serait plus courte. Ouais, ben là, c'est de ma faute, là, gars, je m'assure. Simon Fitzbé, ta chronique Phénomène, cette année, va s'élargir un petit peu plus. Oui, elle va s'élargir. En fait, on va maintenant dépasser ses limites de la biographie rock et on va... maintenant, donc, s'inspirer sur, à propos plutôt des phénomènes à proprement dit, voilà, qui construit l'histoire du rock, c'est-à-dire lorsque ça arrive, les occurrences et les trucs qu'on développe autour dans le concept musical, dans le milieu de l'enregistrement, dans le monde du disque en général. Ça risque d'être intéressant. Donc, on va quand même avoir des biographies une fois de temps en oui, temps aussi. C'est ça. Et au lieu d'être juste fantastique et extrêmement divertissante et intéressante, ça va être fois mille. Oui. Et ça va être très technique. Non, c'est pas vrai. Pyrotechnie. Bon. Donc aujourd'hui, tu nous parles de retour de son, le feedback, le célèbre son qui se produit quand, quand les micros et les haut-parleurs font. Effectivement. Font ben, comment ça fait qu'un? Oui, en un cercle. Bref. En un cercle. Oui, on voit cette semaine un événement commun qui arrive trop souvent encore en concert et qui a réussi à faire sa place sur les albums studio de nombreux groupes ainsi que dans la mythologie, entre autres les guitaristes. Cette semaine, on parcourt l'histoire de l'effet Larson, mieux connu en anglais sous le nom de feedback. En français, c'est l'effet Larson? L'effet Larson, puisque c'est Søren Larsen qui l'a découvert. Oh. En fait, qui a emmené le principe, mais bref, j'en parle un peu plus loin. Okay. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un feedback? Est-ce que vous, ben, j'imagine que vous êtes intelligent, vous voulez savoir exactement c'est quoi. Attends un peu, je dis rien, moi. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui survient lorsque le son provenant d'un haut-parleur ou d'un amplificateur de guitare oscille à un certain degré qui atteint les micros. Et j'étais renvoie... pas loin. Oui, ben oui, ben c'est ça. Mais, et ça renvoie directement donc le son d'où celui-ci vient. Ça rentre et ça ressort, ça rentre et ouais, ça ressort. Et ça crée donc un effet de boucle dans laquelle le son est répété à 360 degrés et ce, à l'infini. Cette boucle crée donc un signal auto-ondulatoire qui prend l'intensité de chaque retour jusqu'à mener le matériel à ses limites sonores et crée donc un son aigu à la fois agaçant pour les oreilles mais également pour le matériel utilisé. C'est dans la même famille que les ongles sur un tableau. Oui, exactement. Les sons fatigants. Sauf que... Sauf les chansons des Black Eyed Peas. Hein? Oui, ça, je suis très d'accord. Justin Bieber. Sauf que ouais, si tu fais jouer du Black Eyed Peas en mettant tes doigts sur le tableau... Tu fais juste dans un parleur. Mais il n'y a pas de risque que le tableau brise, par contre. Ah, OK. Parce qu'il y a ça qui est le danger avec le feedback. C'est dangereux pour le matériel. Oui, ça peut exploser, ça peut rendre le matériel désuet. Ah! Et le feedback est donc un phénomène qui est connu depuis le début de l'amplification de la musique. Certains musiciens se sont intéressés au phénomène et ont décidé de l'exploiter. D'abord, au début des années 1950, le guitariste blues Albert Collins ainsi que Johnny Guitar Watson et Guitar Slim ont débuté exploiter plutôt les feedbacks comme un effet pour agrémenter leurs compositions. Malheureusement, c'était publié à compte d'auteur et les preuves de ces enregistrements se sont perdues avec les années, ce qui est très dommage. Généralement, lorsqu'on créait des feedbacks lors des sessions d'enregistrement, on coupait ça et on recommençait à zéro. Par contre, dans les années 1960, alors que le rock et la pop moderne étaient encore à leur premier balbutiement, on a décidé d'expérimenter dans ce sens. On a dans le monde de la pop, donc on attribue le premier feedback enregistré et conservé tel quel sur un album à nul autre qu'aux Beatles, bien sûr. Hein? On s'attendait à qui? En effet, en 1964, alors que le producteur George Martin souhaitait couper les feedbacks qui est survenu tout juste avant l'enregistrement de la pièce I Feel Fine, John Lennon lui a suggéré de la laisser telle qu'elle. She said so. Le premier feedback enregistré sur une pièce de rock and roll, c'était les Beatles avec I Feel Fine, donc enregistré en 1964. Et suite à cette ouverture d'esprit musical, la scène musicale s'est mise à travailler avec les feedbacks de différentes façons. Entre autres, dans la pièce My Generation, Pete Townshend, guitariste des Who, utilise les feedbacks pendant ses solos. Également, Jimi Hendrix, lors de ses concerts, fait littéralement l'amour à ses amplificateurs afin de créer différentes formes de feedback. Non, mais c'est que je vais vous expliquer un peu le concept de la guitare. J'en ai pas vraiment parlé. On parle beaucoup des micros, mais aussi, ça fonctionne avec les pick-up de guitare, en bon français, ou les micros de la guitare, tout simplement. Okay. Qui sont là pour capter le son des cordes. Eh bien, si on rapproche la guitare très près de l'amplificateur, qui est un son quand même assez élevé également, qu'on fait une note, on peut créer un feedback quand même assez puissant. Et beaucoup de guitaristes faisaient ça à l'époque, c'est-à-dire coller leur guitare directement. Ouais, c'est pour ça que tes voix, en fait, là, qui l'amenaient. Ouais, exactement, exactement. Sur. Et Pete Townshend, lui, rentrait le manche de sa guitare dans l'ampli. Il perçait son ampli avec ça. Ça doit être très bon pour l'ampli. Oh, oui, c'est excellent. Et donc, à la suite de ces pionniers, oui, qui ont littéralement changé ça, et bien tous les groupes de rock ont inséré des feedbacks dans leur enregistrement. The Monks, Jefferson Airplane, Velvet Underground, Can Heat et bien d'autres musiciens s'y sont intéressés. Cette exploration s'est également développée dans le monde de la musique classique contemporaine. Alors que les compositeurs contemporains tels que Steve Reich ainsi que Robert Ashley ont débuté à incorporer les feedbacks dans leurs compositions au milieu des années 60. Et dans le monde du rock, c'est Lou Reed qui a poussé l'utilisation du feedback le plus loin sur son album Metal Machine Music lancé en 1975. Je sais que t'aimes beaucoup ça et que j'interromps ton plaisir. Moi, écoute, cet album-là, je l'écoute et je le réécoute et je le réécoute toujours, toujours, toujours. Ça arrête pas. Ouais. Et donc, c'est Lou Reed avec Metal Machine Music, partie 1. Il y a une deuxième partie de ça? Il y a quatre parties. Ah oui? Ouais, c'est un album double. Et vous avez bien entendu, en fait, il s'agit uniquement que de feedback enregistré et mixé à différentes vitesses dans différents tons. C'est l'expérimentation sonore poussée à son paroxysme pour ce qui est des feedbacks. Mais ne pas faire des spectacles de ça. Je crois qu'il y a eu quelques spectacles, mais c'est plus un album vraiment concept et artistique là, à être écouté sur album. En spectacle, ça doit être un peu plus compliqué. Ouais. Et on m'a dit aussi que Neil Young avait fait le même genre d'album à peu près dans la même période. Malheureusement, j'ai pas avec moi, mais Alain Lefebvre va nous en parler pendant des heures, je suis sûr. Mais parlant d'Alain Lefebvre, maintenant je le comprends quand il me parle de mes chiptunes, quand je joue de la musique de jeux vidéo à l'émission et qu'il dit ah, c'était vraiment bon, hein, ta matin, ta tune. Maintenant je le comprends, c'est comme ça. Ah, ça prend une certaine approche pour écouter cette musique-là. Faut être préparé physiquement. Oui, c'est ça, et mentalement. Et mentalement. Et donc, dans les dernières années, avec l'arrivée de l'enregistrement digital, on peut penser que l'âge d'or du feedback sur album est bien terminé. Les groupes des années 1980-90 comme Sonic Youth et Nirvana ont également exploité et présenté le côté cru de leur musique avec les feedbacks. Heureusement, encore aujourd'hui, nous pouvons entendre d'excellentes pièces qui mettent en valeur le feedback, des pièces qui utilisent des phénomènes comme la clé de voûte dans laquelle la composition ne serait plus la même. We'll be right back. you can hear me coming down the hall. If I could just hear your pretty voice, I don't think I need to see at all. Don't think I need to see at all. Soft hair and a velvet tongue, I wanna give you what you give to me. And every breath that is in your lungs is a tiny little gift to me. It's a tiny little gift to me. Les White Stripes avec la pièce Dead Leaves and the Dirty Ground, donc qui terminait cette chronique des phénomènes sur les feedbacks. En fait, c'est un groupe qui malheureusement n'existe plus maintenant, mais qui était un peu comme un genre d'oasis dans ce monde digital où on pouvait encore entendre du feedback sur la guitare. D'ailleurs, Jack White qui l'utilise vraiment d'une façon incroyable avec les riffs de sa pièce. Et sans ces feedbacks-là, c'est pas la même tour. Ouais. Merci beaucoup, Simon. Merci Monsieur Fitzbé. Merci à vous. Je pense qu'on peut te complimenter sans cesse. Pour le reste de l'émission, c'était vraiment une chronique excellente. Bien voyons. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est bien de diversifier ton chant dans ta chronique phénomène. Et d'ailleurs, tu pourrais diversifier ton chant en chantant dans ta chronique, si tu veux. Non, je... Non? Ça va aller? D'accord. Regarde une petite joint. Est-ce que tu as des petites avant-goûts de sujets que tu penses peut-être aborder un jour dans ta chronique finale? Les médias sur lesquels nous écoutons la musique commencent à changer. L'évolution des médias, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. On va avoir encore des biographies. On risque de parler de droge éventuellement. Des droges. non, du tout. Les femmes derrière les grands hommes aussi, probablement, ça, c'est quelque chose que j'aimerais toucher, c'est-à-dire les compagnes des grands musiciens, des grands artistes de la musique, les producteurs également, comment on produit les albums. Ce serait quelque chose aussi d'intéressant à toucher dans cette chronique-là, dans le futur. On surveille ça les jeudis à 8h. Sinon, t'as aussi une nouvelle émission les lundis soirs avec un nom à déterminer plus tard. Oui, un nom qui est comme en attente d'approbation. Ouais, le Chaumont, Fitz Bay Chaumont. Ouais, quelque chose comme ça. Le Projet X. Projet X. Ça va être les lundis à 20h après Le Voyage insolite. Effectivement. De Frédéric Durand. Ça va être une émission sur quoi déjà? Une émission à thème. Donc, je sais que c'est beaucoup à la mode sur toutes les stations de radio et dans toutes les émissions un peu partout, les émissions à thème. Mais nous, on va essayer de se distinguer en choisissant à chaque semaine un thème particulier et l'explorant. Le thème de des Looney Tunes, mettons les Tiny Toons. It's time for Animaniacs. On va probablement le faire, ça. Chanson parler à thème. Des dessins animés et tout et les thèmes d'émissions, ça serait intéressant. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on va prendre un thème différent chaque semaine et on va l'explorer musicalement mais également au niveau des phénomènes qui sont arrivés autour de ça, comme le premier épisode qui va être présenté dans une semaine et demie, dans deux semaines, bref. Lundi le 20-quelques, le 17-quelques. Le 19 le septembre. 19, oui, voilà. Bien, l'émission du 19 va être consacrée à la radio et on va traiter donc de l'invention de la radio, de son utilisation entre autres dans la révolution cubaine, également donc dans son utilisation lors des conflits, etc. Et on va avoir plein de pièces basées autour de la radio, donc qui parlent de ça et qui critiquent la radio ou qui l'encensent, c'est peu importe. Ça va être merveilleux. J'ai très, très hâte d'entendre ça. Pour vrai, Simon, cette année, je sais pas ce que t'as, là. Tu te dépasses, là. Ah, écoute. Ben, il était bon l'année passée aussi. C'est toujours bon, toujours. C'est toujours bon. Ça enlève absolument rien. Quand je complimente quelque chose, ça veut pas dire que ce qu'il y avait avant était mauvais. Non, non, mais on dirait que tu te surprends. Non, mais on dirait qu'il me touche plus qu'avec le rock, mettons. Bon. J'ai le droit. Pas le droit. De pas être un bon. Fonge-toi pas. Non, mais là. Simon. Pas de chicane des enfants. Ben, c'est ça. Non, mais c'est lui qui a commencé, tu l'as bien vu. Ben oui, c'est de ma faute, c'est ma faute. Bref, Simon, prends pas mon compliment, puis mange donc. OK, parfait. T'es bon, Simon. On te retrouve aussi à Album Classique les vendredis matins à 10h. Effectivement. Ça, c'est l'émission qui écoute un album rock au complet. Oui, on présente un album dans son intégralité. Bien souvent, ce sont des albums un peu plus obscurs, des joyaux perdus du rock. Et on va essayer d'avoir une couple d'albums québécois cet automne. Je suis en train de chercher ça, là. Parfait. Intéressant. Album Classique, c'est vendredi 10h. Et puis, ta chronique ou ton segment, ton émission à l'intérieur d'une émission, si on veut. Les éphémérides du rock. Les éphémérides. Dans Rock Classique, c'est les vendredis matin à 11h. Mm-hmm. Voilà! Merci, Simon. Ouais, ça fait plaisir, merci à vous. Le scout des Internet aussi? Oui, le scout des Internet. Le scout des Internet, mercredi à midi dans le cadre du dîner de con. On finit par en oublier quand ils sont pas dans la grille horaire. Hein. On pourrait faire une petite case avec ta petite photo qui fait comme « Salut, c'est Simon! » Hello! Hello. et mes compliments restent bons, Colin. Oh, merci. Tu dois te complimenter comme je veux. Ça, pas d'allure, ça. J'ai rien dit, là? Ben non! On dirait tout vise. On dirait. On va se retrouver tantôt après une petite pause musicale. On va l'entendre du Hot Hot Heat avec une pièce de l'album Make Up the Breakdown. C'est Talk to Me, Dance with Me. Et puis après ça, il y aura François Landry avec sa chronique politique. Logocratie 101, restez là. You got to, you got to, you got to say. She knows that I wouldn't change it if I could. You see, there's an exit door and it won't open up for me. There's an exit door and it won't open up, you see. There's an exit door and it won't open up for me. There's an exit door and you got to, you got to say. Take me out.

Xavier Caffeine et sa pièce Montréal entre parenthèses, cette ville. Faut noter les parenthèses quand il y a des parenthèses. Hein? Faut les noter, oui, absolument. Parenthèse ici, on accueille un autre chroniqueur qui est de retour, enfin, lui aussi. Enfin! François Landry, voici Logocratie 101. S'il vous plaît, collègues. Le début est solennel. Royal Gangster. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour, ça va bien? Très bien vous-même. Très bien, merci. J'étais sûr qu'on allait enlever la voix de monsieur, notre ami. Non, j'ai insisté pour la remettre parce que c'est un hommage qu'il faut lui donner à ce grand homme politique du Québec. Bon. Et surtout que hier, il a reçu une nouvelle nomination, donc on va la laisser pour cette semaine, si t'es d'accord. OK. Puis on verra s'il y a mérite. Ah oui, ça ira de semaine en semaine. C'est ça, on verra. Selon... Si on le fait pas jouer, ça veut dire qu'il a pas fait une belle semaine de travail. Ah, OK. C'est okay. Comme pour prédire la météo quand les crapauds et ci pis ça, là, pour... Tu vas te casser dans ta tête, t'amuser. Quand il mouille, c'est quand il fait l'affaire, il va mouiller. Non, laisse donc faire. Ouais, c'est ça. Des affaires de grand-mère. Donc, à cette semaine, ton titre de chronique, c'est un automne tranquille. Ouais, un automne tranquille. Je voulais juste piquer votre curiosité. Ouais, gars, Simon, il réagit déjà. Je trouve pas ça très tranquille, moi. Bon, François, parfait. Donc, ouais, il y a deux poissons. C'est bon, c'est bon. Non, je voulais juste piquer ta curiosité, Mathieu, à savoir si tu avais suivi la politique cet été. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait. Je sais pas si tu t'en souviens. Quelque chose par rapport à la soupe Lipton, ça? Ouais, à peu près. Juste un petit peu avant. La soupe Lipton est morte, c'est ça? Ouais. Pas mal avant. On s'était parlé juste avant les élections fédérales. Donc, à quelques jours des élections. Puis, j'avais prédit ici avec Nicolas Ducharme qui était dans les parages. Oui, il est où d'ailleurs, ce Nicolas Ducharme-là? Je l'ai pas vu depuis, il me semble. Hein? Tu l'appelleras, il est rendu journaliste officiel. Non? Ah, oui. Mais. T'es sûr qu'il n'est pas dans le coin du studio en train de préparer mes éphémérides pour la C'était fou, là? Ça se peut aussi, là. oui. Donc, on s'était parlé juste à la veille des élections, puis on avait sorti un sondage, le dernier officiel, disant que le NPD était pour rafler l'essentiel des sièges au Québec. Puis là, tout le monde avait dit « Wow, wow, wow, ça va être impossible, impossible. » Et pourtant, le 2 mai dernier, ça s'est réalisé. Donc, vague orange, littéralement, une orangeade sur le Québec. C'était très rafraîchissant de voir quelque chose de pas prévu au Québec. Ouais, c'est pas surpris. Prévu. C'était une grosse surprise. Ouais. C'est ça, ça a surpris tout le monde. Enfin, la carte politique a changé. C'est ça, elle a changé de couleur, ça c'est clair. Ouais, et ça, puis Rouge FM, tu sais, pareil. Même combat. Même combat. Donc oui, en plus d'avoir une vague orange, on a eu la démission de Michael Ignatieff le soir même et de Gilles Duceppe le soir même. Aussi. Et ensuite, bon, Jack Layton pavoisait, il y avait 103 députés, 59 au Québec, sur 75 sièges au Québec. Là, il y en a 59. C'est beaucoup, là. Jamais personne n'avait fait ça. Le Bloc québécois avait 49. Bon, on s'entend qu'il y a une gifle. Et maintenant, le Bloc québécois en a 4. Donc là, je me suis dit, ça, c'est le dernier gros événement 2011. À l'État, habituellement, la politique, ça tombe au point mort. Il n'y a rien. On fait juste déterrer des scandales qui ne devraient pas avoir lieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas ta chronique cet été. Entre autres, je me suis dit, gars, je vais prendre relâche-moi aussi. Je vais me reposer après deux grosses sessions. Là, plus les jours passaient, plus je me suis dit, oh boy, attends, watch out au mois de septembre. Watch out. Là, vous avez suivi un peu la politique. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, parce que vous avez le droit d'être en vacances, puis je vous ai encouragé à être en vacances pour être bien reposé, parce que cet automne, ça sera pas, comme le titre de la chronique le dit, si tranquille que ça. C'était du gros sarcasme noir. Parce que ça va tellement être une grosse session que je prédis que c'est LA session parlementaire, tant à Québec qu'à Ottawa. La session, tu veux dire quoi? Que là, on va réorienter la politique pour les prochaines années, cette session-ci, selon moi. Tout comme dans les années 60, ça avait pris 5-6 ans pour changer la donne politique. Là, je prédis qu'en une seule session, ça peut réécrire ou tout simplement déchirer la page historique des années à venir. T'es d'accord, Simon? Ouais. Même aux États-Unis, il faudra vérifier ça avec les primaires qui s'en viennent à grands pas. Donc, la reconfiguration politique s'en vient. Et en 2012, donc l'an prochain, des élections partout dans le monde en même temps. Donc en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Québec, au Canada, partout, ça va être faramineux comme, pour les prochains mois. Donc, à surveiller. Donc, je vous ai dressé une petite liste rapido presto, savoir à quoi faut s'attendre cet été. Mais cet automne. Cet automne. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à des élections? Non? Ça, on en reviendra. Puis on avant les fêtes? On se partira un peu. Moi, je prédis 1er décembre, on a un nouveau gouvernement. Mais c'est ça, avant les fêtes. C'est okay. Ma prédiction, ça. On se partira un peu, François. Je sais que t'aimes ça. Ouais, t'avais même gagné au dernier pool. Non. Toi qui avais gagné. Non, vraiment. Ben, à moins que tu me l'avais pas dit. Non, c'était Joanie. Ouais. C'est vrai, t'avais fini. C'est vrai. À Mathieu, dernier. Il avait fait un bon score. Oui, pas vrai. Mathieu, il avait fait un bon score. C'était au hasard, mes affaires. Non, excuse-moi. Donc, si on reprend dans l'ordre chronologique, donc, il y a eu la mort de Jack Layton. Ouais. Hein, on se souvient que. Au mois de juillet, il a annoncé, tout amaigri, quasiment un mort vivant sur place, qu'il se retirait temporairement de la politique pour revenir en force le 19 septembre. Mais malheureusement, le 22 août, au matin, on apprend que Jack Layton, le chef de l'opposition officielle, le chef du NPD, le grand gagnant des élections du 2 mai, est décédé à la suite d'un cancer qui demeure jusqu'à maintenant inconnu. Olivia Charles, sa femme, a dit « On ne veut pas dévoiler la cause de sa mort officielle parce qu'on ne veut pas miner le moral des gens affectés de par le même cancer. Ben oui. Parce qu'on dit Jack Layton, c'est quasiment un dieu vivant sur Terre. Et lui, il avait combattu le cancer avec rage. Il avait eu le cancer de la prostate qu'il avait réussi à vaincre. Et donc, il avait fait sa campagne et sa rémission, exactement. Il était guéri, ou c'est du moins ce qu'on croit. Et puis là, un autre cancer s'est développé. Ça se pourrait que ce soit le cancer des os. Il y avait une canne, fracture facile des os. Donc, peut-être que une fois que ça s'attaque aux os, c'est fini. Ça a été rapide, quand même. Ça a été rapide parce que 4 jours avant qu'il meure, le docteur lui a dit « c'est fini ». C'est donc, lui, Jack Layton, croyait jusqu'au vendredi de la fin de semaine qu'il était pour guérir. Il y croyait encore et le docteur est arrivé avec le pronostic « non, désolé, vous n'avez que quelques heures à vivre ». Donc, ça a pris 4 jours. Donc, il a eu le temps d'écrire son fameux testament qui va passer à l'histoire avec l'appel à l'espoir. Donc, Jack Layton décédé, ce qui implique automatiquement une course au leadership au NPD. Mm-hmm. Il y a plusieurs rumeurs, mais c'est demain, donc on est jeudi matin pour ceux qui nous écoutent en direct. Évidemment. Donc, c'est demain qu'on va savoir les règles. Donc, samedi, dimanche, lundi, on va savoir qui pourrait se présenter. Les règles, tu parles de... Oui, d'élections. Comment ça fonctionne, les élections? Parce qu'il faut pas... À l'interne. À l'interne, oui. Les membres, les syndicats et les hauts cadres du... Parce que le NPD, c'est le seul parti politique où les syndicats affiliés ont le droit de vote. Il y a une possibilité, par contre, que le 25% qui était accordé aux syndicats auparavant soit enlevé. Exactement. Donc là, c'est ça, ils sont en train de réécrire les règles, de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que le NPD, il était de gauche, pro-syndical, donc ses racines sont socialistes et syndicalistes. Et là, il y avait un dernier congrès, on voulait enlever le mot socialiste pour le remplacer par social-démocrate. Donc, est-ce qu'on retire le droit de vote des syndicats? Est-ce qu'on retire le droit de vote des circonscriptions? Est-ce qu'on y va par tête de pipe de membres? On sait qu'au Québec, il y a seulement 5% des membres du NPD. Ouais, c'est ça. Donc, 3000 membres, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Donc, et c'est pourtant nous qui détenons plus de 50% des sièges dans le NPD. Mm-hmm. Donc, faut regarder ça. Ça a été fun, ça avait été comme si, comme Steve Jobs qui a pu nominer lui-même, je conseille que ce soit Tim Scholz. Il l'a fait pour le chef intérimaire. Il a dit, je veux que ça soit Nicole Turmel. Okay. Et le NPD a dit, OK. Habituellement, il y a une course à l'intérimaire aussi. Mais là, il a dit, je veux que ce soit Nicole Turmel. C'est ma grande chum, elle est capable. Puis c'est une syndicaliste. Donc, on voit que. Mais c'est ça, quand il l'a mis là, par exemple, il était pas mort. Non, il était pas fort, mais il était pas mort. Ouais. Donc, c'est en même temps qu'annoncer son retrait. Mais pour l'instant, c'est encore elle, elle garde le poste. C'est encore elle. Okay. Et donc, ça pourrait aller début de l'année prochaine. Mais début, c'est janvier, février, mars, avril, mi-juin. OK, la première moitié de l'année, pas le premier quart. Au début. C'était très vague. Ensuite, donc, je l'ai dit, Michael Ignatieff a démissionné. Donc, course aussi au leadership du Parti libéral. Et là, hier, on a su, Simon, tu vas rire, Sheila Copps. Oui. Entre dans la course. Sheila Copps, les petits drapeaux canadiennes, le scandale des commandites, c'est elle, ça. Ça va faire des belles petites caricatures. Ça. Bad Copps, what you gonna do? What you gonna do? Exactement. For you. Donc, à surveiller aussi, c'est donc au mois de janvier prochain qu'on va le savoir. Mais par contre, c'est la présidence et non pas la chefferie. C'est la présidence du parti. Mais ça pourrait orienter pour la chefferie. Parce qu'on sait que elle et Bob Ray, c'est le chat et le chien, l'eau et le feu, Dieu et le diable. Tom et Jerry. Et Bob Ray, c'est le chef. Oui, Tom et Jerry, j'aime ça. Ben oui. Et C'est ça. Quand même. Olive et Popeye et yes! Brutus. Bravo. Ouais, Olive et Brutus. Je le savais, on l'a dit tantôt qu'il y avait Brutus puis t'allais en Popeye, je n'y niaisais pas. Mais c'était Brutus. Tu n'y niaisais pas. Et donc, aussi, au Bloc québécois à Puchef, je le sais pas en partie, et présentement, il n'y a personne qui veut succéder. C'est ça, il n'y a personne qui veut prendre sa place. Personne. C'est problématique. Il n'y avait pas quelqu'un qui. Oui, un opportuniste. Oui, c'est ça. Non, même lui, c'était le chef autodésigné, mais il a refusé. Il sait que la barque prend l'eau. Hein. Donc, en parlant de démission, là, trois partis d'opposition de démission des chefs, et là, au Parti québécois, c'était magique l'été. Ça va pas bien. Le journal, c'était Parti québécois. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la débandade de ce parti-là. Là, c'est... Ah, moi, j'ai hâte juste au 12 septembre, quand la rentrée va se faire, savoir comment ça va se passer. Il n'y a pas grand choix, je pourrais dire. Il n'y a pas de choix. C'est, ils vont gouverner au jour le jour. Ils vont réagir à la seconde. Puis on s'entend que en fait, le faudrait peut-être qu'il y ait une démission ou. Je sais pas, ça pourrait raviver la flamme. Écoute, Pauline Marois veut tellement être la première ministre du Québec. Elle est prête à tout. Elle est là, mais c'est pas pour le bien de son parti. On s'entend, là, je pense. Moi, ce qu'elle disait, un capitaine laisse pas son navire aller dans la tempête. Mais c'est que quand le capitaine dirige le navire vers la tempête, je pense qu'il est temps qu'il y ait une mutinerie. Ouais. Donc, effectivement, le 6 juin, Pierre Curzi, Louise Baudouin et Mme Lapointe, j'oublie son prénom, là, la Lisette. Femme. Lisette Lapointe, oui. Madame Lapointe, avec tout mon respect. On démissionnait, donc trois piliers. Le lendemain, Jean-Martin Haussan, la relève. Ici à Nicolette? Oui, le député Nicolette, la relève du Parti québécois, qui était, selon certains, le prochain chef ou, dans l'éventualité d'un futur chef, démissionne aussi parce que lui dit on parle pas assez de souveraineté au Parti québécois. Le 21 juin, un de ses collègues, Benoît Charrette, lui, il démissionne parce qu'il dit « on parle trop de souveraineté au Parti québécois ». Donc, on veut qu'il y ait vraiment une guerre interne, à savoir, on le fait tout de suite ou on le fait-tu un moment donné? Ça va pas bien. Donc, le 16 août dernier, il y a 77 souverainistes déçus, donc des péquistes ou peu importe quoi, qui publient un manifeste « Brisons l'impasse ». Et là-dedans, ils s'en prennent verbalement et avec beaucoup de crocs et de mordants à Pauline Marois en disant que c'est elle le problème du Parti québécois. Ça, c'était dans les journaux? Oui. Donc, c'est fort, ça. Ça, c'est très fort. Surtout les noms qui l'ont signé. Ça fait mal. C'était des poids lourds de l'organisation qu'on connaît pas. Le grand public les connaît pas. Mais ceux qui gravitent autour, donc les. Moi, je les appelle les mouches à marde, là, en tout cas. Ceux qui tournent autour puis qui piquent. Ils sont fatigants, mais ils font une job. Il faut qu'ils soient là. C'est eux autres qui ont signé le manifeste. Quand le punch out, hein. Left, right, uppercut. Ça va pas bien. Exactement. Donc, eux autres ont créé le nouveau mouvement pour le Québec, le NMQ. Il faut s'habituer aux acronymes. NMQ, le NMQ. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on crée un nouveau mouvement souverainiste. C'est pas un parti politique, c'est juste un regroupement pour échanger. Ils ont fait leur premier congrès qui a attiré 400 personnes. C'est quasiment la moitié d'un congrès du Parti québécois, là, sans organisation à la dernière minute. Donc, 400 souverainistes qui ont répondu à l'appel du 21 août et ils veulent des états généraux sur la souveraineté. Donc, on en discute. Est-ce qu'on fait une souveraineté référendaire? Est-ce qu'on fait des élections référendaires? Est-ce qu'on veut une république? Est-ce qu'on veut une monarchie? Est-ce qu'on veut un État laïque? Est-ce qu'on veut un État français? Est-ce qu'on veut qu'on en parle pour qu'une fois pour toutes, on dise on veut ou non un pays? On peut-tu avoir une reine battante? Genre? La reine Pauline. Non, ouais, on peut-tu avoir un parti solide puis après ça en discuter? Il me semble que ça serait non. Pour eux autres, l'idée appartient au peuple et au Parti québécois, l'idée appartient au Parti québécois. Donc, la souveraineté ne doit se faire qu'avec le Parti québécois. Oui, mais le Parti québécois représente le peuple, selon eux. 23% du peuple. Ouais, mais eux autres, selon eux, c'est genre 99%, c'est-à-dire le peuple, sauf Jean Charest. Ouais, parce que depuis les années 60, le Parti québécois, c'était à 68, il s'est approprié l'idéologie souverainiste. Alors que jamais dans l'histoire, ça avait été attaché ensemble. Donc, il y avait eu la RIN, le ARN, le FLQ à l'époque même. Même le Parti libéral était très nationaliste des années 60. Même en 89, le Parti libéral a failli déclencher un référendum de sécession. Le Parti libéral, dirigé aujourd'hui par Jean Charest, il faut se le rappeler. Donc, l'idée souverainiste n'appartient pas au Parti québécois, mais le Parti québécois l'ignore. Ça. Mais c'est pas leur mission en même temps? Du Parti québécois? De promouvoir la souveraineté. Et oui, c'est un parti qui le propose, mais ils veulent taire tous ceux qui en parlent en dehors du cadre péquiste. OK. Dans le local, c'est correct, mais... Ouais. Juste pour donner un exemple, Québec solidaire, l'autre parti majeur au Québec, est aussi souverainiste. Et la guerre fratricide... Entre frères. Ouais, ou entre sœurs, c'est deux, ouais, c'est deux formations politiques, deux sœurs. Ouais. Mais c'est l'enfer, là, ça se tire à boulet rouge par médium interposé. Et à savoir c'est qui les social traites, les nationaux traites, c'est assez... c'est le fun à voir, j'aime ça. Il y a aussi Jean-Martin Haussan, on l'a dit, il a démissionné, mais il veut partir un parti politique. Et il voulait l'appeler Option Québec. Oui. Pour ceux qui trippent Histoire du Québec, Option Québec, c'est le livre que René Lévesque a rédigé en 68 qui mettait les bases de la formation d'un futur parti québécois. Okay? Donc, c'est très symbolique dans l'imaginaire péquiste et surtout des baby-boomers. Mais malheureusement, hier, on apprenait que le DGE a refusé le nom Option Québec parce qu'il a été acheté, le nom a été acheté par un mouvement étudiant pour le dégel des frais de scolarité. Ah, ok. Donc, Jean-Martin Haussan est extrêmement déçu. Donc, bon, il reste Petit Québec. Tu as la version mozzarella. Épurée, essentielle. Et... La belle province, mettons, aussi. Tu sais. Ouais. Viande fumée, c'est pas bon. Ouais. Toujours ça. Il y a des options. Il y en a des options au Québec. Il y en a. Mais c'est pas diviser le vote? Dans le sens où... Lui ne croit plus au Parti québécois. Il n'y croit plus, donc c'est le PQ qui diviserait le vote. Elle n'y croit plus à cause de la chef ou... Oui, il a demandé la démission de Pauline Marois. C'est le seul qui a demandé la démission de Pauline Marois. Il dit, tant son temps qu'elle va être là, je ne serai pas là. Donc, il dit, si elle démissionne, je suis peut-être prêt à reconsidérer. De même que Pierre Curzi, après... Pierre Curzi qui a dit, après, moi, je serais prêt à devenir chef si Pauline quitte. Mais pour l'instant, encore là, je ne reviens pas au parti. Il y avait du monde du PQ qui disent Pierre Curzi, il est venu juste au PQ pour devenir chef. Mais c'est ça que Pauline Marois a fait. Je veux dire, depuis Pierre-Mac Johnson. Depuis 84 qu'elle essaie. En 86, elle s'était présentée contre Pierre-Mac Johnson. Ah oui. Elle avait perdu. En 88, elle voulait se présenter contre Parizeau, mais Parizeau, trop gros, trop lourd. Elle s'est retirée. Ensuite, elle a manigancé dans le dos de Bernard Landry pour prendre sa place. Ensuite, avec Boisclair. Clair. Elle a été élue sans opposition parce que c'était la seule assez folle pour se présenter. la plus opportuniste, carriériste peut-être. Ouais, exactement. Folle peut-être pas, mais c'est que femme de carrière, Pauline, c'est une vraie politicienne de sans elle. Je sais même pas c'est quoi son diplôme d'université. Elle n'a pas. Elle en a un. Je pense quelque chose. Et pour, juste avant de finir, il y a aussi l'ADQ et la CAQ. L'Action démocratique du pays. Oui, le CAQ. C'est le caquiste, les membres du mouvement de François Legault. Ah oui. Okay. Donc, des négociations très intenses en secret, évidemment, entre les deux formations politiques et l'autre formation mouvement pour fusionner ensemble. François Legault a les vents dans les voiles, dans les sondages. 40% des gens seraient prêts à voter pour lui. Il n'est même pas candidat officiel. Il n'y a même pas de parti, même pas d'organisation, pas de structure. Mais c'est pas grave. On est prêt à se fermer les yeux et à voter François Legault et donner une carte blanche. Alors qu'on ne sait même pas c'est quoi son programme précisément. On a ses idées. C'est de payer à la performance. Donc, plus t'es bon, plus t'es riche. Moins t'es bon, plus t'es pauvre. Donc, c'est ce qu'il veut, en gros. C'est une nouvelle droite centre-gauche, qui, lui, se définit de gauche, mais... Il n'est pas tellement de gauche. Ça a l'air drôle, Il signe peut-être ses chèques de la main gauche. C'est peut-être juste ça. Il est gaucher, non pas gauchiste. Il s'est peut-être trompé. Donc, oui, des grosses négociations. Gérard Deltel lui avait dit « Je veux être le chef de l'ADQ aux prochaines élections. » Mais ses troupes ont dit à Gérard, c'est trois troupes, là, c'est trois autos, là. Ils ont dit, Gérard, tu négocies avec François Legault. Nous autres, on veut pas perdre notre siège. Là, parce qu'on sait très bien qu'à la prochaine élection, l'ADQ pourrait être aussi rayé de la carte, à part un ou deux, ou même les quatre, mais très diminué. Donc, ils ont dit à leur chef, Gérard, tu négocies. Peu importe ce qui arrive, tu négocies. Donc là, oui, Gérard a plié à ses trois troupes. T'sais, c'est quand même 75% de son caucus. Là. OK. OK, boss. Puis bon, il négocie avec François Legault à savoir est-ce qu'on fait un parti politique commun avec un nouveau nom? On va enlever la dette de l'ADQ puisque l'ADQ est le parti le plus endetté au Québec. 700 000 piastres de dette, mais pour quelqu'un qui a juste 4 députés, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Peut-être un nouveau logo qui a coûté cher. Peut-être. Ouais, c'est vrai, ils ont reçu une petite flèche pour dire qu'il était à droite. On savait pas. Puis donc, d'ici le mois de décembre qu'on le saurait. Donc, on va surveiller ça au printemps, à moins qu'il y ait des élections générales. Mais c'est ça, le but, c'est pas d'essayer de couper l'herbe sous le pied. Exactement. Donc, parce que François Legault n'est pas encore outillé. Non, c'est donc, ça. C'est pour ça. C'est juste un mouvement. Tu me demandais en début de chronique, est-ce qu'il y aura des élections générales? Et moi, hors micro, je pense qu'on s'est parlé. Et moi, je t'ai dit oui. Selon moi, mon analyse très personnelle, oui, on sera en élection générale à la fin novembre. Parce que présentement, il y a 5 élections dans les provinces au Canada qui ont débuté hier. Okay. L'Ontario, entre autres. Donc, qui s'achemine sur 4 semaines, donc 30 jours, jusqu'au début novembre. Et là, début novembre, pourrait y avoir déclenchement d'élections pour la fin novembre. Donc, admettons, 15 décembre maximum. Là. On s'entend là-dessus. Oh, ouais, c'est ça. Après ça, c'est les fêtes. On parle pas de politique pendant les fêtes. C'est mortel pour les libéraux, selon les critères historiques. Là. On s'entend qu'avec des élections, Charest ferait tomber. Pauline Marois, Legault serait pas prêt et l'ADQ serait encore en... Voilà, le seul parti fort serait Québec solidaire. Ouais. Et on s'entend que c'est pas eux autres qui font peur aux libéraux le plus. Là. Non, c'est ça. Donc, Charest pourrait être tenté et de par le remaniement ministériel qu'il a orchestré hier à la suite du départ de Nathalie Normando, la vice-première ministre, ça laisse présager que... Parce qu'il a rappelé Yvon Vallière, notre idole ici, que Dieu soit avec S'il lui. S'il vous plaît, collègue. Lui, là. S'il vous plaît. Oui, il est revenu. Parce qu'il veut prendre sa retraite, mais on nomme pas quelqu'un qui est à 2 ans de sa retraite. On veut juste le remercier pour qu'il ait dans son CV relations intergouvernementales. Tout simplement. Ensuite, on enlève Sam Hamad des transports pour l'envoyer au développement économique. On s'entend que si c'est lui qui fait le développement économique comme il a fait les ponts, ça va tomber. Ça va aller mal alors qu'on est à la veille d'une nouvelle récession au pays. Ça va tomber. On va le savoir dans quelques semaines si on est en récession. OK? C'est un guest à prendre. Ensuite, il nomme Lynn Beauchamp, vice-première ministre, alors qu'elle est déjà ministre de l'Éducation, le deuxième plus gros portefeuille au Québec. Elle n'a pas fait ses preuves encore à ce ministère. Non, et là, elle devient vice-première ministre. Une femme timide, réservée. Ouais. Ça manque pas beaucoup de charisme. Il manque de charisme. On se souvient que c'était elle, le scandale des algues bleues, il y a 2-3 ans. Elle avait passé péniblement au travers de cette épreuve. Quand même anodine pour les relations publiques. C'était pas difficile à dire que oui, on s'en occupe, on met d'autres javelines des lacs. C'est pas bien dur. Mais elle a échoué ce test-là. Et là, elle est vice-première ministre. Tant mieux, c'est une femme. Je suis content qu'il y ait une femme. Oui, c'est pas parce que c'est une femme. Mais c'est Lynn Beauchamp. C'est ça le problème. Le problème donc, est là. Jean Charest qui se cherche un successeur, il n'en a pas trouvé, fait qu'il pourrait tenter de déclencher des élections là pour se garder 2 ans de marge de manœuvre pour se trouver un successeur. Pierre Paradis. Toi pis ton Pierre, là. Pierre reviendra pas au caucus. C'est décidé, c'est fini. Il est encore backbencher. Il est backbencher, on le voit dans le coin à gauche. C'est quoi ce backbencher? Il réchauffe les bancs. C'est en arrière puis il tape sur le siège pour dire oh oh oh oh. Ah, c'est le il applaudit. C'est le député libéral avec le plus d'ancienneté, je pense, à la Chambre des communes. Un gros poids lourd, ouais. Mais désabusé. Parce que lui, il est de gauche. Il s'est présenté contre Jean Charest. Oui. Donc lui, c'est un vrai libéral de la tradition libérale du Québec. Donc de René Lévesque et Jean Lesage, Bourassa aussi, qui est un nationaliste de gauche, mais au sein du Parti libéral. Fait que c'est ce qu'il y a cet automne à surveiller. Donc un automne tranquille quand même. Ben oui. Tranquille. Relax. Puis, sans oublier... On veut des élections. On va en parler. Je trouve ça le fun des élections. Là, tu vas avoir les élections au PLC, les élections au NPD. Ah, ben, cet hiver, mais quand même. François passe le mot sur Twitter. Ouais, on veut les élections. Je vais dire à mes chums, là, élections sur Twitter. Dis à Denis Coderre. Ouais, à Denis, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il tweet. Il prépare la fusion entre le PLC et le NPD. Il est tellement pro-fusion. Ah, j'ai pas parlé de la fusion en plus. Merci, Simon. C'est vrai qu'il y aurait fusion entre le NPD et le PLC. Et je n'y crois pas. J'en veux. C'est comme fusionner Québec solidaire et l'ADQ. Le problème, c'est qu'il faudrait que le NPD englobe le Parti libéral et le Parti libéral se laisse jamais englober. Non, c'est ça le problème. Mais il faudrait que des grandes têtes d'affiche parties s'en aillent peut-être au NPD. C'est intéressant, ça. Mmh. Ouais. Denis Coderre. Ah, je vais y envoyer un tout tantôt. Hey, Denis, Simon fait dire que. Ben, il faudrait que Jean-Chrétien il demande parce que, tu sais. Jamais qu'il trahira le. Non. Hey, s'il passe dans le coin, invite-le à l'émission. OK. Bonne idée. Okay. Cool, je me donne ça comme mission d'ici la fin de l'année. Sérieux, ça serait cool. Ouais. C'est bon. Parfait. Ah, je sais qu'il accepterait ça le pays. Pour vrai? Ouais, je vais y écrire tantôt, je te le promets, j'y écris. Yes, sir. On pourrait se chatter live puis lire ce que... Ouais, on pourrait tweeter live. Ben oui. Je vais me chercher un BlackBerry justement pour plus pouvoir y parler. Là. Oui. C'est bon. Le suivant. Parce que lui, il réagit. Denis, t'écris, il te répond. Ouais, puis tu souhaites bonne fête? Oui, il me souhaite bonne fête. Hey, t'as souhaité bonne fête? Ben oui, à ma demande, j'ai demandé qu'il me souhaite bonne fête. Est-ce qu'il fait autre chose que Twitter, pour vrai, par exemple? Non? Il est fort. Il est très fort. C'est officiellement, là, c'est le chef du Parti libéral. Ouais, d'accord. mais personne ne l'aime au Parti libéral. Ah, c'est ça. Mais pourquoi? Il est trop fort. Il est près aussi de Jean Chrétien. Oui. Très près. Un chrétianisme du clan Chrétien, et tandis que tous les autres sont du clan Martin, de Paul Martin. Donc, c'est vraiment une petite guerre civile à l'interne. Mais ceux qui sont de l'ère chrétien sont sur le bord de leur retraite ou sont partis. Ça achève. C'est ça. Donc, il reste de Nicolas le seul fier brandissant le flambeau de Chrétien. Sur ce, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Ah, merci. On te retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Oui. Il y a sûrement d'autres démissions au PQ ou quelque chose. Espérons-le. Espérons-le. Puis peut-être Denis Coderre. J'essaye. Bon. Jeudi prochain, merci encore une fois, ça fait François. Plaisir. Bonne journée. Nous, c'est la fin de l'Assemblage Rocky pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain à 7h. À 7h. Du lundi au jeudi, 7h à 9h. Lundi, on va avoir notre ami Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, avec sa Connect Live. Oui. Qui est là aux deux semaines. Oui, ben Simon va s'ennuyer d'elle. Il la verra plus. Je m'ennuie déjà. Quand tu passes au palmarès, c'est fou parce qu'on va animer ça ensemble, Marie-Pierre et moi, cet après-midi de 14h à 17h. Ouais. C'est la nouvelle équipe, Marie-Pierre et Mathieu, au palmarès, c'est fou. Sinon, une chronique dans les palmarès. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient bientôt. D'ailleurs, restez à l'écoute pour le dîner de compte tantôt à 11h avec Danny Janvier. Plus tard en journée, moi, les palmarès, c'est fou à 14h, comme je disais. En soirée, l'aspirale à 18h, Skypunka à 19h. Et puis, c'est tout. C'est tout. De ton émission est finie. C'est tout. Non, pas d'émission. D'ailleurs, faut que j'écrive à Camarade B. D'accord. Vendredi matin, demain, album classique avec Simon et puis rock classique toujours avec Simon et aussi Alain. Passez une excellente journée sur nos ondes. Merci Mathieu. Bonne fin de semaine François-Olivier. Bonne fin de semaine à lundi. T'es fin. Merci Simon. Merci François. Merci à tout merci le monde. Merci les gars. Hey. Quelle excellente première semaine. Tu parles d'une semaine. C'est même qu'il fait ça. C'est comme. Ça, c'est ce qu'on a fait entre les émissions. Plein de vie. Plein de vie assez fou. Longue vie. Longue vie et plein de vie. On est comme. On est renu. Renu? On se prend un continu à chaque automne. On se quitte avec Malajube. Voici leur pièce Le Blizzard. Bye. Ça fait comme un bruit de vie.